الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. Traduction: et le musulman qui est caché est celui dont aucun soupçon n'apparaît sur lui. شرح explication. الأصل في المسلم العدالة. À la base du musulman, digne de ce nom, il est de droiture. ولا تسيء الظن بأخيك المسلم. Faut pas que tu aies une mauvaise pensée envers ton frère qui est musulman. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Sourate 49, verset numéro 12. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. N'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: attention quant aux pensées ou soupçons que vous pouvez avoir sur des gens, car c'est le plus mensonger, c'est la plus mensongère des paroles, la plus mensongère des hadith al-nafs. Hadith al-nafs, c'est ce qui passe par ta tête, ce que tu as comme flash dans ton intérieur, etc. أي حديث النفس واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين. Ista'idh billah, demande protection auprès d'Allah quand tu as quelque chose qui te passe par la tête à propos de quelqu'un, et aie une bonne pensée envers tes frères musulmans. فَإِذَا ثَبَتَ لَكَ أَنَّ هَذَا الْمُسْلِمَ عَلَيْهِ مُلَاحَظَةً فَعَلَيْكَ فَإِنَّكَ تُنَاصِحُهُ سِرًّا وَتَسْتُرُ عَلَيْهِ. Ici, ça s'affirme auprès de toi que quelqu'un, il y a une observation sur lui, il y a une remarque, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, etc. Dans ce cas-là, tu le conseilles entre toi et lui, sans propager ça, et tu laisses yani le défaut que tu as remarqué ou l'aspect mauvais que tu as remarqué, tu le laisses dans le sitr, dans le cachet. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui cache les défauts de son frère, Allah cachera ses défauts ou le cachera lui, et de ces choses yani qu'il veut pas que les gens ils voient ici-bas et dans le delà. ولا تفضحه و تشهر به في المجالس. يا كسرة شغل ها سبعة سكون. شدة. تشهر نعم شدة. C'est-à-dire que il faut pas que tu l'avilisses, le fadh, c'est que tu montres devant tout le monde yani son défaut. Et تشهر به, c'est que tu propages cette chose là et tu en parles à droite à gauche. في المجالس. بل عليك أن تنصحه سرا بينك وبينه عليه. Tu le conseilles entre toi et lui et tu ne montres pas ses défauts au public. C'est très bien traduit, soupçon. Mais dans le sens. Il n'y a rien qui fait apparaître que tu peux soupçonner quelque chose. Il n'y a rien qui te peut le plonger. À la base, raïb, c'est le doute. C'est-à-dire que c'est toi qui soupçonnes lui. Non, que toi tu soupçonnes un musulman. À la base, le musulman, tu penses du bien de lui et tu n'as pas le soupçonner de quoi que ce soit tant que tu n'as pas des éléments ou des indices qui te laissent croire que. Hein? Pour le au début, l'asl fi muslim fi muslim al-adana. Bien. L'axe. Cheikh ici t'explique qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'à la base, le musulman, quelqu'un qui est musulman, qui témoigne qu'il a digne d'être adoré qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'on voit de lui des bonnes choses, on ne pense pas de lui de mal. C'est un musulman, c'est quelqu'un, hein? Salam, non? Voilà, salam, dans le sens, c'est quelqu'un que... C'est quelqu'un que... Il est innocent jusqu'à présent. Voilà. Ses actes, sa manière d'agir. Si tu veux, cette phrase-là, elle est équivoque, et suite à ce que Cheikh récite par la suite, ça te clarifie qu'est-ce qu'il veut dire par là. Quelqu'un, tant que tu ne vois pas du mal, il ne faut pas que tu ailles chercher le mal, toi, où c'est qu'il n'y en a pas. Une fois que tu as des indices, tu as des éléments qui te laissent croire que cette personne-là fait apparaître l'islam, mais soit c'est un hypocrite, soit c'est quelqu'un qui fait des innovations, soit etc. Là, tu commences à... Mais sans explication, comme ça, l'ibara, elle n'est pas juste. L'ibara, elle est à double sens. Ça veut dire qu'à la base, c'est le contraire, justement. Parce qu'Allah, il a créé l'insan, Zaloum Jahoul, dans Sourate Al-Ahzab. Non. Non, ce que je me rappelle, c'est que... Thomas, je trouve dans Kaderi, celle-là, dans Ijma al-Ulama. Non, ça dit comme ça, l'aslu l'adana l'al jahana, jahala l'al adana. Yani le musulman il est innocent, c'est-à-dire qu'on peut l'accuser de rien jusqu'à qu'on doit le prouver de ça, mais il n'est pas non plus digne de confiance. Ntouma risala hadi c'est sur quoi? C'était sur ça justement. C'est sur l'akhd al-ilm et tout ça, non? Entre autres. Eh, à la base, la science, tu ne vas pas la prendre de quelqu'un en disant que. Voilà, Fulan Ad, tu connais rien de mal de lui, etc. Mais tu ne connais rien de bien non plus. Tu dis ni du mal ni du bien, mais tu ne peux pas t'asseoir devant quelqu'un comme ça pour prendre ton ilm. Ça dépend du sujet. Mais là, Cheikh, ici, comme le Cheikh, il l'explique derrière, il y a ce qu'il explique, ça clarifie bien qu'est-ce qu'il veut dire. Allahu alam. Fikum barak. قال المؤلف رحمه الله وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. Et toute science que prétend détenir le serviteur concernant les choses cachées et dont aucune trace ne se trouve dans le Coran et la Sunna, ceci est une innovation et un égarement. Personne ne doit appliquer cette prétendue science ni y prêcher les gens. شرح علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا. Donc cette connaissance là, domaine du caché, chez la secte qui s'appelle الباطنية. الباطنية ça vient justement du caché. Parmi les Ismaélites, une secte de الرافضة et d'autres qui disent que إن للنصوص ظاهرا وباطنا. Ils disent dans les textes il y a un sens qui est apparent et il y a un sens qui est caché. الباطن لا يعرفه إلا خواصهم. Ils disent le domaine caché, il y a que les on va dire les leaders chez eux ou les gens spécifiques chez eux, des gens bien précis qui connaissent le sens. وأما الظاهر فهذا عند العامة. Mais les sens qui sont apparents des textes, ça c'est la masse des gens qui comprend ces textes là. يقولون المراد بالصلاة الدعاء. فقد دعا من فمن دعا فقد صلى. ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة. Ils disent par exemple qu'est-ce qui est voulu par la prière, c'est l'invocation. Et ça c'est une explication linguistique. الصلاة dans la langue c'est الدعاء, l'invocation. Celui qui a invoqué Allah, il a prié. Et ce n'est pas ce qui est voulu, les cinq prières quotidiennes et la prière surérogatoire. ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس وليس المراد زكاة المال. Ils disent qu'est-ce qui est voulu par zakat, c'est le fait de purifier son âme. Et ça, c'est également le sens linguistique. Purifier son âme, tanqiyat an-nafs, c'est le fait de la filtrer, de la purifier, de la rendre propre. Et ce n'est pas ce qui est voulu, le fait de sortir la zakat sur les biens. Wa yaquluna al-murad bis-siyam katmu asrarihim wa madhhabihim. Et ils disent ce qui est voulu par as-siyam, le fait de jeûner, c'est le fait de cacher les secrets et leur voie, leur méthodologie. C'est pour ça qu'on les nomme ceux qui ont des organisations secrètes. Il y a tout est secret chez eux. Tous les sens, ils sont secrets. Ils disent le hajj, le pèlerinage, le sens, c'est le fait d'aller vers leur référence, leur mashayikh. Le hajj fil lugha huwa al-qasd, le fait d'avoir l'intention de se diriger vers. وليس المراد بالذهاب وليس المراد الذهاب الى بيت الله للحج والعمره. Il dit c'est pas ce qui est voulu le fait d'aller faire le grand pèlerinage et le petit pèlerinage à la maison sacrée. Ismaïliya, c'est des chiites. Secte les chiites à la base ils sont pas comme rafida. Entre chiites et rafida bon chassa. Les chiites c'est ceux qui ont un penchant vers Ali radiyallahu anhu. Et de là c'est enfanté Rafida, ceux qui ont vraiment exagéré, ils ont dit Ali c'est une divinité, ou Ali c'est un prophète, ou bien Ali c'est le premier calife, etc. Mais à la base, Tashayyu' c'est un penchant vers Ali, une certaine, on va dire, exagération vers Ali, hein. Comme c'est, il fait partie de Ahl al-Bayt, de la famille du prophète, ils avaient un certain penchant vers lui. Hamd? Non, le Batani c'est loin dans ce kuffar. Rafida, min Rafida, partie de Rafida. Ismaili aussi, non? Oui. Ismaïliya, oui. Je veux dire, Parmi les Ismaïliya, Allahu alam, quand ils sont apparus, je ne sais pas. Mais parmi ceux qui ont le Batiniya, justement, qui interprètent les textes comme ça, il y a l'Ismaïliya, que le Cheikh a cité ici. Ils ne font pas les Ils interprètent les choses avec un autre sens à chaque fois. Non. Ils disent il y a des choses pour l'ammat al-nas, comme les soufis. Ils disent il y a des choses pour les gens normaux, il y a des choses pour les gens qui ont un degré élevé. Eux, c'est pareil. Il y a des choses que tu comprends comme ça, et ils disent il y a un sens caché dans le Coran que nous on comprend et que nous on applique. قوله وهو بدعة وضلالة. C'est une innovation, un égarement. أي القول بعلم الباطن بدعة في الدين. القول بعلم الباطن بدعة في الدين. Le fait de dire qu'il y a un sens caché dans les textes, etc. C'est une innovation dans la religion. وضلالة عن الحق. Et un égarement de la vérité. والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين. La science, elle se prend, elle s'acquiert à travers le fait de l'apprendre chez les ulama, les savants qui éduquent les gens. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله a dit dans son poème كافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. Donc il dit ابن القيم رحمه الله et l'ignorance est un da. Da, c'est une maladie. L'ignorance est une maladie destructrice. Et son remède se définit par deux choses qui sont complexes, il y en a qui se rejoignent l'une avec l'autre. Un texte émanant du Coran ou de la Sunna, et le médecin à ce sujet-là, celui qui va te le prescrire, c'est le savant éducateur. هذا هو العلم. Il dit c'est ça. T'as pas noté. Tarkib, c'est il y a les deux choses complexes qui se rejoignent. Amran fi tarkib muttafiqani. Deux choses, donc le Coran et la Sunna, qui sont complexes, qui vont ensemble et qui se rejoignent. L'un va avec l'autre. Ils sont pas dissociables, yani. هذا هو العلم. Il dit c'est ça la science. Kitab al-Sunna عن العلماء. ليس العلم بالذوق والإلهام. L'ilm, c'est pas ce que je ressens et ce qu'on m'a insufflé ou bien ce dont j'ai été inspiré. ولا علم الباطن الذي عند الباطنية ni ولا علم الباطن الذي عند الباطنية ni la science du caché comme ils disent eux. Il y a un sens apparent, un sens caché. إنما العلم ما جاء عن الله ورسوله. La science est ce qui provient d'Allah et de son messager. وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم. Et ce qui émane également des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la science. وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَهْلٌ وَضَلَالٌ وَلَيْسَ عِلْمًا وَلَا هُدًى. Et ce qui sort de ces racines-là, de ces bases-là, c'est ignorance et égarement, et ce n'est pas science et guidé. قَوْلُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ الْبَرْبَهَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَنْبَغَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَلَا يَدْعُ إِلَيْهِ. Personne ne doit appliquer cette prétendue science ni y prêcher les gens. بل يجب الحذر من هذا. Au contraire, il faut prendre garde à cela. لأنه من نزغات الصوفية شطعات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة. Donc, il dit ça fait partie des égarements des soufis et des choses, il y a des déviantes qui proviennent des soufis qui voient que la science c'est pas dans le Coran et la Sunna qu'elle se puise. إنما هذا للعوام والذين لا يعرفون. Il dit ça c'est pour la masse des gens, les gens qui sont normaux, qui prennent leur science du Coran et de la Sunna. ويسمون هذا علم الشريعة. Il dit ça c'est la science de la législation. أما العارفون بالله فهم أهل علم الحقيقة. Mais il dit ceux qui connaissent réellement Allah, c'est ceux qui prennent la science de la réalité des choses et non pas la science de la sharia qui se prend dans les livres, le Coran, la Sunna et les ulama. نعم قال نزغات شطحات ديفياسيون لي دانس كما يقولوا هما نزغات نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. النزغ على باس الافساد سي لو فات دو كورومبر دو بروفوكي التركاسيون اي نعم. Discord, oui. Attends, je vois aussi à la fin de l'Araf, c'est pareil. Oui, moi, Nazarana Kamina Shaitan et Nazrun. Si jamais le diable t'incite à faire le mal, Nazarat, Sophia. Très bien, c'est ça, c'est. نعم واضح. طيب قال المؤلف رحمه الله لوتر دي وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. Et n'importe quelle femme qui a promis son corps à un homme ne lui sera pas permise. Et ils seront châtiés si se produit quelque chose entre eux, sauf avec un tuteur, deux témoins et une dot, un mariage valide. نعم الشرح النكاح لا يصح إلا بشروط. Le mariage ne sera valide qu'à travers des conditions. منها parmi les conditions qui sont connues الولي, le tuteur pour la femme. الذي يعقد لها, le tuteur qui la représente. وهو القريب من عصباتها, et c'est le proche de la femme parmi l'asaba. L'asaba c'est du côté de yani du père, du côté du père, que ce soit les fils etc. Et après le reste c'est côté du père, l'oncle paternel etc. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, hadith هذا موجود في البلوغ المرام, il n'y a pas de mariage si ce n'est avec un tuteur pour la femme et deux témoins de droiture qui témoignent à cela. فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها. La femme n'a pas le droit de se marier d'elle-même sans tuteur. بل لا بد أن يعقد لها وليها. Il faut que ce soit son tuteur qui la représente et qui la donne au mariage. فإن عقدت لنفسها فعقدها فاسد. Si elle se marie elle-même, son acte de mariage sera nul, non considéré. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. Ça c'est la parole de la majorité des savants. وعند الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها. Chez les Hanafites, ils n'imposent pas cette condition et ils disent que la femme elle peut se marier d'elle-même. فلا يشترطون الولي. Ils n'imposent pas cette condition de wali, de tuteur. لكن هذا مذهب مخالف للدليل. Mais cette idéologie ou cette fatwa etc. elle est contraire au texte. ولما عليه أكثر أهل العلم. Et contraire aussi à ce que la plupart des savants disent. ولأن المرأة قاصرة فربما ربما عندكم تعلقوا نعم فربما تعلق برجل لا يصلح لها. La femme elle est faible, elle est amoindrie et il se peut qu'elle s'attache, elle a un attachement à un homme qui n'est pas bon pour elle. ولا يصلح لأسرتها, qui n'est pas bon pour sa famille, pour la famille de la femme. لأنها صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة. La femme elle est sentimentale, عاطفة c'est le sentiment, et un regard rapide, yani elle s'empresse dans les choses. ولذلك رد الأمر إلى الولي. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un tuteur pour s'occuper de ses affaires. والله جل وعلا خاطب الرجال بالنكاح. Allah s'est adressé aux hommes à propos du mariage. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم. Allah dit dans le Coran, sourate 24 verset numéro 32, et mariez les célibataires d'entre vous. أيام جمع أيم. هذا خطاب للرجال. Ça c'est un comment dire خطاب. Allah s'adresse aux hommes, hein, en leur parlant de la sorte. هذا خطاب للرجال. فأمر الرجال بإنكاح الأيام يعني ليس يعني الذين ليس لهم أزواج. Il a ordonné aux hommes de se marier avec les célibataires parmi les femmes qui n'ont pas d'époux. والحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. Dans le hadith, pas de mariage si ce n'est à travers un tuteur qui représente la femme et deux témoins de droiture. وفي حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. Dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si une femme quelconque se marie sans l'autorisation de son tuteur, sans être représenté par un tuteur, son mariage sera nul, nul, nul. Trois fois. ثلاث مرات. والولي يكون مانعا حصينا لها من التلاعب. تلاعب. ضمة sur le عين. الولي est un obstacle. مانع. حصين. حصين, c'est-à-dire qu'il va engendrer, qu'elle va être, il va préserver la chasteté de la femme. والمحصنات من النساء. المحصنات, c'est les femmes chastes. Il va préserver la chasteté de la femme pour pas qu'il y ait de pour pas que les gens jouent avec elle. وقال صلى الله عليه وسلم C'est une protection en fait, l'hasin, hisn al-muslim, la protection du musulman. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, idha atakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous vient, al-khitab ou lil-awliya, khitab lil-awliya, yani il parle aux tuteurs des femmes, à ceux qui sont censés les marier. Il a dit, lorsque vous vient, man taradawna dinahu wa amanatahu fazawwijuh. Quelqu'un dont vous êtes satisfait de sa religion et de son caractère, ou bien de son dépôt, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de respectable, mariez-le. Wallahu naha anil adl. Allah il a interdit al-adl. C'est quoi l'adl? An yamna' al-wali mawliyatahu min kuf'in radiyat bihi. C'est qu'il empêche. L'adl c'est quoi? C'est d'empêcher que le tuteur il empêche à celle dont il a la tutelle, mawliyatahu, de se marier avec quelqu'un qui est un kuf, c'est quelqu'un qui a les caractéristiques qui sont citées dans le hadith. On est satisfait de sa religion, on est satisfait de son caractère, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui respecte le dépôt, etc. وَلَا يَكْفِي أَن تَرْضَى بِهِ وَلَكِنْ لَبُدَّ أَن يَكُونَ كُفْءًا أَيْضًا. Il faut qu'elle soit, ça ne suffit pas qu'elle l'agrée cette personne-là, mais il faut qu'il soit kuf. Il y a un chapitre là dans Bulugh al-Maram, Bab al-Kafa'a. Chapitre sur le kafa'a, sur c'est quoi les caractéristiques qu'un homme doit avoir pour être kuf. La buddha min al-amrain. Donc il faut qu'il soit. Les deux. Qu'elle l'agrée et en même temps qu'il soit. Qu'il ait les capacités d'aptitude, on va dire. An yakuna kuf'an wa an tarda bihi. Wal kafa'atu la ya'rifuha illa rijal. Kafa'a, yani le fait que l'homme il a les caractéristiques d'aptitude pour le mariage, ça c'est les hommes qui reconnaissent ce type de choses là. Ahlul uqul, les gens dotés de raison. La ta'rifuha an-nisa sahibatul awatif wan nufus adh-dha'ifa. Ala al-ghalib, c'est pas à l'absolu bien sûr. Les femmes en général, elles sont sentimentales et elles sont faibles d'esprit dans ce domaine-là. Elles s'empressent pour an-nadama fima ba'd, pour le regret prépare la suite. Qawluhu, l'auteur rahimahullah a dit: "Wa ayyuma imra'atin wahabat nafsaha li rajul" هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit donc que est-ce qu'elle le mouallif Adil, la traduction ايما امراه وهبت نفسها لرجل. Il n'importe quelle femme qui a promis son corps à un homme. Non. Le fait qu'une femme elle s'adonne à un homme, ça c'est spécifique au prophète صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Donc ça montre bien que c'est spécifique au messager. لأن الرسول ولي للأمة ولي للأمة. Donc, Tanwin. Le messager est tuteur de toute la nation. Il peut les épouser sans l'accord de leur tuteur. Sans qu'elle ait un tuteur. Sans qu'elle ait un tuteur. Une femme qui s'adonne à lui, il peut se marier avec elle sans un tuteur. Qawluhu yu'aqaban innala minha shay'an. Et ils sont châtiés si se produit quelque chose entre eux. Fa'in tazawwajathu. بدون إذن وليها فإنه يفرق بينهما ويعاقبان على ذلك لأن هذا العقد فاسد. Donc si une femme elle se marie avec un homme sans justement l'autorisation du wali, sans l'accord du wali, etc., donc il faudra séparer entre eux deux et ils seront châtiés. Si se produit quelque chose entre eux. Non, car l'aqd n'est pas valide. Ce acte de mariage, contrat de mariage, n'est pas valide puisqu'il manque une condition essentielle qui est le tuteur. S'il se produit quelque chose entre eux. Pas de l'acte, non? Pas de l'acte. Non, mais il se produit un jima' ou le shay. Jima'. L'aqd n'est pas valide. Ils n'ont pas à faire quoi que ce soit. Non. Par exemple, si jamais il y a un musulman qui présente toutes les caractéristiques qu'un musulman doit avoir et que le tuteur de la femme, il refuse. Par exemple, soit c'est pas une couleur de peau ou question de caste. Est-ce qu'il a le droit de refuser? Est-ce qu'ils ont le droit de refuser? Et si jamais ils refusent, est-ce qu'il perd la tutelle ou comment? Il va loin dans la question. Parce que, à la base, il a pas refusé le père s'il n'y a pas une raison valable, comme on a dit, comme on a vu avant. Maintenant, dans les pays musulmans, ce qu'ils demandent, c'est de venir vers le tribunal et ils vont demander des explications au père. Pourquoi ils refusent? Ils vont faire venir la fille, ils vont faire venir le père. Pourquoi ils refusent? La fille, elle accepte. L'époux, il est de... Comment dire? Il a les caractéristiques, etc. Donc, ils vont demander au père pourquoi. S'il n'a pas de raison de valable, ils vont lui enlever la tutelle. Tu vois? Sauf si la fille, elle revient, elle dit, malgré qu'il a les caractéristiques, et si mon père ne veut pas, je reviens sur ma demande. Mais sinon, ce genre de questions-là, c'est du cas par cas. Mais les ulama, ils font attention aussi. Souvent, on entend les questions, ils disent que, en général, si le père n'a pas voulu, c'est vrai que ça s'est propagé maintenant qu'ils ne veulent pas pour des raisons XY, mais ils disent s'il n'a pas voulu, c'est qu'il a vu quelque chose que toi, tu ne connais pas, ou que toi, tu ne sais pas. Souvent, ils disent ça aux femmes, comme c'est connu qu'ils sont. Ils ont. L'atifa, ils ont. Caractère sentimental. Hatta Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il a dit à des femmes qui disent si vous ne me mariez pas avec un tel, même si je reste jusqu'à jour de la résurrection, je ne me marierai pas avec quelqu'un d'autre. Et Cheikh a dit le père, il a qu'à lui dire tu resteras jusqu'au jour de la résurrection sans te marier avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Tu vois? Parce que Yanni, c'est une phrase, Mubalara, c'est une phrase d'exagération pour dire que je veux me marier avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Maintenant, c'est du cas par cas pour voir réellement. Parce que si le père vient, il expose des choses. Il ne veut pas pour telle et telle raison. Peut-être il y a des choses qu'il n'a pas voulu clarifier à sa fille, mais qui sont des... comment dire? Des causes qui sont légitimes. Ça demande... Yani, des autorités, c'est eux qui interviennent dans ce genre de cas-là. Alors, ce qu'on peut faire, comme il n'y a pas de mahkama islamiyya, c'est que quelqu'un il parle avec quelqu'un que les parents, par exemple, ils respectent, qui parle avec eux. Surtout s'il connaît la personne qui va se marier, qui connaît que du bien, etc. qu'ils le disent, Wallahu a'lam. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى. نعم. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا وقوله ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. Et si tu vois un homme insulter un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il est un adepte de la passion et un adepte de mauvaises paroles. En fonction de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque mes compagnons sont évoqués, abstenez-vous. Car il a certes su ce qu'il allait se produire comme chose grave après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne dites sur eux que du bien. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, laissez mes compagnons et ne dites sur eux que du bien. Et ne mentionne rien d'une erreur qu'il aurait pu commettre, ni les conflits les ayant opposés, ni d'une science leur ayant échappé, et n'écoute pas la parole de celui qui parle de tout cela, car ton cœur en garderait une trace si tu l'entendais. الشرح من علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Parmi les caractéristiques, comment reconnaître les gens de l'innovation, les gens de l'hypocrisie, c'est qu'ils insultent les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونهم car ils les détestent. ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. Celui qui agit de la sorte, qui les déteste, c'est un hypocrite qui fait apparaître l'Iman et qui cache la mécréance. لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. Car comme c'est venu dans le hadith رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه دون مارج أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وعن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يعني دليل qui montre que le fait de les aimer c'est l'Iman c'est, ça fait partie de l'iman, et le fait de les détester, ça fait partie de l'hypocrisie. Kama fil hadith, comme c'est venu dans le hadith, liannahum sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, awsa bihimun nabi sallallahu alayhi wa sallam khayran wa naha an masabbatihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des bonnes recommandations à leur égard et il a interdit de les insulter. Fahumul ladina nasaru rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa hajaru ma'ahu. C'est eux qui ont secouru, qui ont apporté secours avec insistance au messager sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait l'hijra, ils ont émigré avec lui. Wa nasaruhu wa awawhu. Wa awawhu. Ils lui ont secouru avec insistance. وَأَوَوْهُ Ils ont encore des refuges. Ça vient de الْمَأْوَى الَّذِينَ هَاجَرُوا هُمُ الْمُهَاجِرُونَ Ceux qui ont émigré, ce sont les émigrants, les habitants de la Mecque. وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا هُمُ الْأَنصَارُ Et ceux qui lui ont apporté refuge et qui l'ont secouru, ce sont les Ansar, les Médinois. وَلَابُدَّ مِنْ حُبِّهِمْ جَمِيعًا وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ Il faut les aimer tous et faire leurs éloges et les prendre comme exemple. فالذي يطعن فيهم ويتنقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. Celui qui parle mal sur eux et qui les amoindrit, ça montre que c'est une preuve qu'il n'aime pas le messager صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان يحب الرسول لأحب الصحابة. Car s'il aime le messager, il aimera les compagnons. S'il avait aimé le messager, il aurait aimé les compagnons. فما أبغضهم إلا من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. A détesté les compagnons, celui qui a détesté le messager. ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فكان كافرا. Celui qui déteste le messager, c'est un كافر. قال رحمه الله فعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء. Sache qu'il est un adepte de la passion et un adepte des mauvaises paroles. يعني celui qui insulte les compagnons, qui les aime pas. أي من يسب الصحابة صاحب هوى يتبع هواه. Celui qui agit de la sorte, c'est quelqu'un qui suit sa passion. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Allah dit dans le Coran à ce propos, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Surat 28 verset 50. وصاحب بدعة وصاحب نفاق فكل شر فيه. Yani c'est un auteur d'innovation, un auteur d'hypocrisie. Tous les mots, M-A-U-X, les mauvaises choses, elles sont réunies en lui. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِ فَأَمْسِكُوا Lorsque mes compagnons sont évoqués, abstenez-vous. Ça c'est un hadith. الْوَاجِبُ السُّكُوتْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ وَعَدَمِ الْكَلَامِ فِيهِمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ L'obligation qui incombe aux gens, c'est de ne pas parler mal sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de parler que eux en bien. Wa thana'u alayhim wa 'adam ad-dukhul fi shu'unihim, le fait de pas rentrer dans les choses qui ne nous regardent pas. Qawluhu faqad 'alima an-nabiy alayhi as-salam ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mawtihi fa lam yaqul fihim illa khayran. Car il a certes su ce qui allait se produire comme chose grave après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Zalal, traduit comme ça. Zalal, c'est l'erreur. Zalla, yani akhta, dalla. Al-ismatu binisbati lis-sahaba li-ijma'ihim. Les compagnons ne sont pas déchus d'erreur. Mais ils sont déchus d'erreur quand ils sont unanimes sur quelque chose. Fa idha ajma'u fa ijma'uhum ma'sum. Quand ils sont unanimes sur quelque chose, leur unanimité, elle ne peut que être juste. Wa ijma'uhum hujjatun qati'a. C'est un argument sans équivoque. Et irrévocable. واما اذا اختلفوا فهذا ينظر الى من معه الدليل منهم. اذا اختلفوا, lorsqu'ils divergent, là ça demande un regard perçant pour voir qui a un argument plus lourd que l'autre. كغيرهم, comme les ulama, pareil, quand ils divergent, on regarde qui c'est qui a un argument plus lourd que l'autre. وليس معصومين من الخطا بالنسبه لافرادهم. Les compagnons en eux-mêmes, chaque personne en lui-même, il n'est pas, en elle-même, elle n'est pas déchue d'erreur. Elle peut faire une erreur. فَقَدْ يَحْصُلُ مِنْهُمْ بَعْضُ الْخَطَأ Ils peuvent être auteurs d'erreur. وَلَكِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ Mais Allah leur a pardonné. Monsieur, juste par rapport à ça, là, c'est C'est pas par exemple ce genre d'argument qu'il utiliserait, par exemple, c'est trop tôt. Pour dire quoi? Quand il parle de certains compagnons, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Allahu alam, je sais pas sur quoi quels arguments il a pris, mais aqidat ahl sunna, c'est que si le compagnon il fait erreur, tu peux montrer son erreur. Ou dire, hanaya, il y a deux compagnons, ils ont dit ça. Mais avec les qawaïd d'ahl sunna, et sans se mettre à insulter le. Ce qu'ils ont reproché à Sayyid Qutb, c'est qu'il a. Il a kaffar certains compagnons, il a insulté certains compagnons. Amr ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Uthman ibn Affan, Adad min al-Sahaba, il a dit des choses qui sont islamuhum, islam shifa, c'est un islam de lèvres, c'est pas un islam de cœur. Énormément de choses, yani. Ce que les ulama ahl sunna, ils ont khattaw ba'd al-sahaba fi ba'd al-waqafat. Le Cheikh Ibn Uthaymeen dans Sharh Az-Zad, il dit Abdullah ibn Zubair, il a jeûné 15 jours de suite, jour et nuit. Hada ijtihad, il dit muta'awwil. Il dit sahabi muta'awwil, il a interprété les choses à sa manière, il a tort. Cheikh Ibn Baz, سئل عن الخوارج, il a dit kuffar. Ils ont dit Ali radiyallahu anhu, il a dit hum min al-kufr farru. Ils ont fui de la mécréance. Il a dit hada ijtihad min Ali radiyallahu anhu, nara annahu akhta. Il a dit c'est un ijtihad de Ali, nous pensons qu'il a tort à ce sujet. La majorité écrasante des ulama, ils disent que ce n'est pas des kuffars, les khawarij. Tu vois? Il y a sur certains points, il y a eu des khilafs entre les compagnons sur des choses, etc. Ils ont donné plutôt raison à un ou raison à un autre, sans dénigrer l'une des deux catégories. C'est ça, il y a le point important qu'il faut retenir ici. Parce que si tu dis que les sahaba ils peuvent pas faire d'erreur, dans ce cas-là, tu différencies pas entre les compagnons et les prophètes. Pour toi, le prophète, il fait jamais d'erreur et le compagnon, il fait jamais d'erreur. C'est quoi la différence entre eux? Il y a même des qawa'id chez les ulama pour tarjih. Les quatre califes, ils sont devancés sur les autres. Des choses qui se sont passées dans la maison du prophète, c'est les femmes du prophète qui sont devancées sur les autres. Maintenant, sur Maudou al-Rusl, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Rusl? Le hadith de Maimoun, le hadith de Aisha. Tu vois, c'est ces femmes qui ont vu comment ils faisaient le Rusl, etc. Il y a des points où tu vas choisir plutôt la version d'un compagnon plutôt que quelqu'un d'autre. Wallahu alam. Walakin Allah ghafara lahum wa khassahum bis suhba. Il les a spécifiés comme étant, il leur a donné cette caractéristique qu'il n'a pas donnée à autrui, qui est le fait d'être un compagnon. Falahum fada'ilu. تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطا. Ils ont des mérites, ce qui couvre ce qu'ils ont, ce qu'il peut y avoir de certains d'entre eux comme erreur. وذلك لأمور, pour plusieurs raisons. اولا, premièrement, لانه مجتهد لم يقصد الخطا. Le compagnon, quand il a fait erreur, il n'avait pas l'intention de faire erreur, il a fourni un effort et il s'est trompé. انما اجتهد ولم يصب الحق. Il est récompensé pour avoir fourni un effort et son erreur est pardonnée. Deuxièmement, ils ont des mérites qui couvrent ce qu'il peut y avoir de la part de certains d'entre eux comme erreur. Car Allah a déclaré qu'il était satisfait d'eux, qu'il les a agréés. Et il a dit en parlant des gens de Badr, les gens qui ont participé à la bataille de Badr, œuvrez, faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala, hadith fil sahihain, hadith Ali, c'est marqué en bas. Allah ta'ala, laqad radiyallahu anil mu'minin, id yubayi'unaka tahta shajara. Certes, Allah a agréé les compagnons qui t'ont fait pacte d'allégeance sous l'arbre. Ça, c'était pendant le Hudaybiyah, Bay'at al-Ridwan, en l'an 6 de l'Hégire, au mois de Dhul-Qa'da, au mois numéro 11. Surat 48, verset numéro 18. Wa qala, laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal-muhajirin wal-ansar. Certes, Allah a accepté le repentir du prophète et des émigrants et des ansar. Il y a des Mekkois et des Médinois. Surat 9, verset 117. Hadihi 'amma. Ce verset-là, il est général, il englobe tout le monde. فَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Allah a accepté leur repentir. وَقَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. سورة آل عمران سورة 3 verset 155. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car Allah est pardonneur et indulgent. هم مغفور لهم. Allah leur a pardonné. فهم لا مطعنا فيهم أبدا. لا مطعنا فيهم أبدا. Ils n'ont pas, il n'y a pas d'issue pour les insulter. قد علم النبي. علم النبي إن فتحة إن ضمة normalement. صلى الله عليه وسلم ما يكون منه من الزلل بعد موته. Le prophète صلى الله عليه وسلم a su ce qu'il y avait comme. اقرأ. Il nous dit car il a su ce qui allait se produire comme chose grave après sa mort. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne connaît pas l'invisible. إلا ما أطلعه الله عليه. Sauf ce qu'Allah lui a montré. فقول المؤلف قد علم. Le prophète a su. يعني بما علمه الله من ذلك وما أطلعه. À travers ce qu'Allah lui a montré comme domaine de l'invisible. ولهذا قال عليه السلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أطلعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Donc il dit Allah lui a montré le domaine de l'invisible. Hada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vivra parmi vous verra une énorme divergence. Verra une énorme divergence. Attachez-vous à ma sunna et celle de mes califes bien guidés après moi. أخبره الله أنه سيقع اختلاف فأوصاهم ماذا يصنعون عند الاختلاف. Allah l'a informé afin qu'il les informe qu'il va y avoir une divergence, une division. Donc il leur a donné des recommandations quoi faire lorsque cette divergence ou cette division va avoir lieu. وكانوا كذلك, ils ont agi de la sorte. كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا للكتاب والسنة فأنهوا اختلافهم ورجعوا إلى الحق. Donc les compagnons, lorsqu'ils divergeaient sur un point, ils revenaient au Coran et à la Sunna, ils mettaient fin. أنهوا من النهاية. Ils mettaient fin à cette divergence là en revenant à la vérité. فلم يقل فيهم إلا خيرا. هذا في المتن ولا لا؟ نعم. Donc ne dites sur eux que du bien. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم مع ما أطلعه على مع ما أطلعه على ما يحصل فيهم بعده. Malgré ce qu'il a vu, ce qui allait se passer par la suite, etc. Il a fait leurs éloges. قوله عليه السلام ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا. Il a dit صلى الله عليه وسلم laissez mes compagnons ne dites sur eux que du bien. نعم ذروا يعني اتركوا أصحابي. ذروا ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. قال ذروا laissez mes compagnons من الكلام فيهم. Ne parlez pas sur eux. لا تقول فيهم إلا خيرا. Ne dites que du bien à leurs propos. وأصح من ذلك حديث لا تسبوا أصحابي. Plus authentique et plus clair que cela encore, hadith, n'insultez pas mes compagnons. فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ. Par celui qui détient mon âme dans sa main. لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَ. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindrait pas la poignée d'un d'entre eux, ni même sa moitié. فَالْعَمَلُ الْقَلِيلُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ الْعَظِيمِ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ. Peu d'actes de leur part est meilleur que beaucoup d'actes de ceux qui vont venir par la suite. لِسَابِقَتِهِمْ بِالْإِسْلَامِ. Car ils ont précédé les autres à l'islam, ils ont accompagné le messager, etc. قَوْلُهُ وَلَا تُحَدِّثْ بِشَيْءٍ مِنْ زَلَلِهِمْ وَلَا حَرْبِهِمْ. Ils ne mentionnent rien d'une erreur qu'ils auraient pu connaître, ni les conflits les ayant opposés. لَا تَتَحَدَّثْ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْاِعْتِذَارِ عَنْهُمْ. Et ne parle pas de ce qui s'est passé entre eux comme hurub, comme guerre, etc. Et si vraiment tu cites quelque chose, c'est dans le fait de les excuser pour ceux qui ont eu tort à ce sujet. قوله ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. et n'écoute pas la parole de celui qui parle de tout cela, car ton cœur en garderait une trace si tu l'entendais. لا تستمع للذين يتكلمون في الصحابة في المجالس. N'écoute pas ceux qui parlent sur les compagnons dans les assises, ou في الدروس dans les cours, ou في أي مجال يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qui parle à tort et à travers des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعها. N'assiste pas à cela et ne sois pas quelqu'un qui est régulier à écouter ce type de choses. Au contraire, éloigne-toi et coupe relation avec cela. Pour pas qu'il y ait quelque chose qui s'insère, s'introduit dans ton cœur, et tu vas avoir de la rancœur envers les compagnons du messager. Tu vas les détester. Tu vas être voué à la perdition. Majal, domaine. Il le dit à qui quand le... Au Sahaba. Il leur a dit à... Non. هذا خطاب للصحابة ولغيرهم. أنا سألت سؤال هذا العلماء. Ils m'ont dit ça c'est خطاب, c'est le prophète il s'adresse aux compagnons. Mais ça reste pour les autres par la suite, puisque eux ils vont transmettre ces informations. Donc eux qui n'incitent pas les compagnons. Et en même temps, ceux qui vont venir par la suite, d'une manière plus évidente, qui ne parlent pas sur les compagnons, car ils ont un mérite que les autres n'ont pas. قال المؤلف وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه جوره على نفسه وتطوعك يرك معه تام عندك ايه لا بيرك ايه أنا عندي إياه أيضا ما أعلم غير واضح مش عندك في الترجمة نشوف وبرك معه تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك. Et si tu entends un homme insulter les textes ou les rejeter ou qu'il préfère autre chose aux textes religieux, remets son islam en question. Et ne juge pas sur le fait qu'il est un adepte de la passion et un innovateur. Et sache que l'oppression du dirigeant ne doit pas empêcher l'accomplissement des obligations d'Allah, celles qui ont été rendues obligatoires par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Son injustice est contre lui et ton engagement et ta piété sont au complet pour lui si Allah le veut. C'est-à-dire la prière en groupe et la prière du vendredi avec lui et le combat dans le sentier d'Allah et toute chose parmi les obligations. Associe-toi à eux dans ce bien et tu auras la récompense de ton intention. Eden? كيف ترجمة؟ بالروك كما إذا بيت إتابيتي تون انجاجمون إتابيتي بالروك هذا سبق بيانه وشرحه فلا حاجة لإعادته الشيخ دي نجا بارلي تسابيان دي تايو باغافان كي باوزو يعني دو غي اكسبليكي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوان وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله لقول الفضيل ابن عياض رضي الله عنه ورحمه لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسرها أو فسر لنا هذا. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها وإذا جعلتها في السلطان صلح بصلاحه العباد والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح وأن نؤمر أن ندعو ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. Et sache que si tu vois un homme invoquer contre le dirigeant, sache qu'il est un adepte de la passion. Et s'il invoque en faveur du gouverneur pour qu'il se réforme, alors c'est un adepte de la sunna si Allah le veut. En raison de la parole de Fudayl ibn Iyad, si j'avais une invocation exaucée, je ne la ferais qu'en faveur du dirigeant. Il lui a été dit, « Oh, Aba Ali, explique-nous cela. » Il répondit, « Si je la fais pour moi-même, elle n'aura pas un grand impact. Mais si je la fais pour le gouverneur, elle apportera une grande réforme. Par cette invocation, la réforme et l'amélioration touchera les serviteurs et les différentes régions. C'est pour cela qu'il nous a été ordonné d'invoquer en leur faveur, et il ne nous a pas été ordonné d'invoquer contre eux, même s'ils transgressent et sont injustes. Car leur injustice reviendra sur eux, alors que leur bienfaisance les touche, eux et tous les musulmans. » Tardouni, c'est... Non. الشرح explication. هذه العبارة مأثورة عن السلف. Cette phrase-là, elle est rapportée des prédécesseurs. Laquelle? وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ فَعَلَمَ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَنْ. Tu vois quelqu'un? C'est quel? Si tu vois un homme invoqué contre le dirigeant, sache qu'il est un adepte de la passion. هذه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية. لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين. Donc il dit, ça c'est Naz'a, c'est quelque chose qui sort de toi, Yanni. C'est une, on va dire, une apparition Kharijiya, évoquant du provenant des Khawarij, une apparition de toi, ou un effet de toi, ou un acte de toi, qui provient de Al-Mu'tazila, Yatizaliya, Yanni de Al-Mu'tazila. Car les Khawarij et les Mu'tazila, ce sont eux qui invoquent contre les gouvernants musulmans. Wal-wajibu al-aksu an yad'u lahum bis-salah wa al-tawfiq. L'obligation qui leur incombe, c'est le contraire, d'invoquer en leur faveur la droiture, la réussite. Yenna salahahum salahun lil islam wal muslimin. Car la réforme du gouvernant, c'est la réforme de l'islam et des musulmans. Fa'anta ida da'awta lahum fa'innaka tad'u lil muslimin. Quand tu invoques en faveur du gouvernant qu'il soit bien, tu invoques envers tous les musulmans. Yenna salah al wali salahun lil ra'iyya. Car la réforme du wali, le wali c'est le hakim, celui qui a l'autorité, c'est la réforme de ra'iyya, c'est la réforme du troupeau, à savoir la nation. فهذا منهج السلف الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. L'invocation en faveur des gouvernants qui soient nés bien, qui soient pieux, qui soient réformés, etc. قوله. L'auteur al-Barbahari, rahimahullah, dit « وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُ لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَعْلَمَ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْشَاءَ اللَّهِ » Et s'il invoque en faveur du gouverneur pour qu'il se réforme, alors c'est un adepte de la sunnah, c'est Allah le veut. « إِذَا رَأَيْتَهُ يَدْعُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ فَعْلَمَ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ لِأَنَّ هَذَا هَدْيُ السَّلَفِ مَعَ وُلَاةِ الْأُمُورِ » Tu vois quelqu'un qui invoque en faveur du gouvernant, la réforme, etc. Sache que c'est un adepte de la sunna, car c'est ainsi qu'agissaient les prédécesseurs à l'époque. قوله لقول الفضيل بن عياد رضي الله عنه ورحمه, à cause de la parole de الفضيل بن عياد رحمه الله من أكابر العلماء والعباد والزهاد. Il fait partie des tabi'in, je ne me trompe pas, tabi'in, naam. Des grands, il fait partie des grands ulama adorateurs et ascètes de cette nation. يقول هذه العبارة, il a dit cette phrase là, لو كانت لي دعوة مستجابة لا ما جعلتها إلا في السلطان. Si j'avais une invocation, je suis sûr qu'elle est exaucée, je l'aurais accordée en faveur du gouvernant. مأثور هذا عن الإمام أحمد. L'imam Ahmed a dit la même phrase. هذا من النصح. Ça fait partie du conseil en faveur des autorités. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Comme dans le hadith de Tamim al-Dari في مسلم, il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, le conseil, la religion c'est le conseil. قلنا, nous lui avons demandé, il y a des compagnons, liman ya rasulallah, en faveur de qui, au messager d'Allah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. C'est-à-dire à la fin il a dit en faveur des gouvernants, des dirigeants des musulmans et de la nation tout entière. Wa min an-nasiha li a'immati al-muslimin ad-du'a lahum bis-salah. Le conseil, parmi le conseil envers les gouvernants, c'est le fait d'invoquer en leur faveur la réforme. Wa min al-ghishi lahum ad-du'a 'alayhim. Parmi la traîtrise ou la trahison envers eux, envers les hukam, les gouvernants musulmans, c'est le fait d'invoquer contre eux. قوله فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح. ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا. Donc il nous a été ordonné. C'est pour cela qu'il nous a été ordonné d'invoquer en leur faveur et il ne nous a pas été ordonné d'invoquer contre eux. Même s'ils transgressent, ils sont injustes. لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين. Car invoquer contre eux, c'est une invocation contre les musulmans. لأنه إذا حل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد. Parce que, une fois que Yannissa, ça se passe, et que le gouvernant il est renversé, le sang coule à flot, et il n'y a plus de sécurité dans les rues, et la corruption se propage. Les sentences, etc., ne sont plus respectées, et quelqu'un quand il transgresse, etc., qui a une sentence derrière, dans le fait de retourner le gouvernant, il y a des méfaits. وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهما بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج. À notre époque, à nous, il dit, yani, celui qui invoque en faveur du gouvernant, il est accusé d'étant un mudahin, c'est-à-dire quelqu'un qui vend sa religion pour sa vie mondaine. Chez les innovateurs, من الحزبيين parmi les sectaires et ceux qui suivent les khawarij. فينطبق عليهم قول المؤلف أنه مخالفون للسنة وأصحاب أهواء فليتنبه لهذا. Donc il dit la parole de l'auteur rahimahullah s'expose à eux quand il dit qu'ils sont contraires à la sunna et les suiveurs de passion. Donc il faut faire attention à cela. وين هذه وين جد انحل الامر وسقط السلطان فانه اذا انحل الامر استاذ كنت لا شوز ال سو كونكريتيز فهمت يعني كنت كنت comment dire tu invoques en défaveur du hakim et justement qu'il y a derrière toutes ces choses là c'est que on va dire tes invocations voilà elles s'exaucent. Qu'il y a des gens qui viennent et qui retournent de gouvernants, etc. Derrière, il y a des méfaits. Quoi ? Le sang, il est coulé. Et il n'y a plus de sécurité dans les rues. Les gens, ils ne se sentent plus en sécurité. Et c'est le plus fort qui mange le plus faible. Et la corruption, elle se propage. Il n'y a plus de hudoud. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est celui qui est le plus fort qui tiendra le plus longtemps. De quoi ? Inhalla, c'est que la chose, elle se concrétise. Inhalla al-amr, yani toi tu invoques, thumma yanhalla al-amr, c'est que cette chose-là, elle fait effet. À savoir que ce qu'il dit derrière, saqata al-sultan. Ou saqata al-sultan, c'est-à-dire que tu invoquais contre le gouvernant, tes invocations, elles sont prises par. Il y a Cheikh Oussama al-Utaybi là-dessus, il a amené une fa'ida. Il a dit que al-alim al-maghrib fi zamane, sahib al-i'tisam al-shatibi, il a cité dans son livre que. الدعاء invoqué en faveur des gouvernants في خطبة الجمعة بدعة. Mais il a dit, lui, il veut pas dire par là que c'est quelque chose qui est invoqué pour le gouvernant, c'est interdit. Mais il veut dire que c'est une adoration qui ne doit pas être faite répétitivement le vendredi, car ce n'est pas rapporté sur le mimbar, comme quoi répétitivement tu fais cette invocation. Ils ont dit, Yanni, il a cité ça en tant qu'innovation, pas en tant que l'acte, c'est une innovation, mais en tant qu'à ce moment-là, le fait de le faire d'une manière répétitive, ça devient une innovation parce qu'ils ne l'ont pas rapporté. Que les salafs, ils faisaient ça, Yanni, répétitivement, chaque vendredi, sur le mimbar, et l'imam, yad'ou les khatib al-jumu'a. Donc il dit, Yanni, il y a des gens, peut-être ils vont mal comprendre ce point-là, en disant qu'invoquer en faveur des gouvernants, c'est une bid'a. Là, il ne faut pas prendre ça de cette manière-là. والله اعلم الشاطبي وغيره d'autres ulama qui ont cité ça. نعم mais pas de manière répétitive. يعني كثير من الدعاة حتى المفتي مثلا كثير من العلماء chaque semaine يدعو للسلطان وفي كل مواقع que ce soit après un درس que ce soit مثلا هو في نفسه quand il fait salat quand il fait kada mais c'est quelque chose de très régulier الدعاء للولاة الأمور. يعني juste il a attiré l'attention que en lisant يعتصام de Shatibi, il ne faut pas comprendre Yannick qui dit que c'est à l'absolu, que cet acte-là c'est une innovation à l'absolu. Mais c'est, il parle Yannick du moment où c'est fait, c'est une opinion de certains ulama qui n'est pas à rejeter à l'absolu. Enfin, encore un passage, inchallah. Voilà, elles vont pas être respectées, elles vont pas être que ce soit les obligations, les interdits vont être transgressés, ou alors les sentences elles vont être annulées, elles vont pas être elles vont pas prendre effet. Ofik. Non. C'est retardé, non? Ça peut être retardé comme rejeté. Ça veut dire à savoir qu'est-ce qui est sous-entendu par hudud, parce que le mot hudud dans le Coran il a plusieurs sens. تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها هي ال شو اسمه المحرمات كاين واحد en tout cas il y a deux sens sur les ulama ils ont cité ça. Il y a des versets où Allah dit voilà les limites d'Allah, ne les approchez pas, et voilà les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Ne les approchez pas, c'est les interdits, et ne les transgressez pas, j'ai un trou de mémoire, est-ce que c'est justement les choses autorisées que si tu transgresses tu rentres dans l'interdit, ou là autre chose? Fahmt? Et ça, c'est une bonne alphase, comme Cheikh Saad disait dans sa muhadara. Il y a des mots que d'un sujet à un autre, ça a un autre sens. Tu prends un mot dans l'aqidah, il a un sens. Tu prends un mot dans le fiqh, il a un sens. Tu prends un mot dans l'aura, il a un sens, etc. Il faut faire la part des choses. Hatta fil madahib, il y a certains mots. Dans, chez les malikites, il veut dire quelque chose. Chez les hanbalites ou les shafi'ites, il veut dire autre chose. Donc il faut faire attention, l'alim sur quoi il se base. Et c'est quoi, son, par exemple, son école, pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Comme le mudahana, on a vu dans le al-jadd. Al-Jadda. On avait vu dans Kunsel Fi al-Jadda, ça voulait dire autre chose. Ça veut dire quoi? On avait dit que ça voulait dire pour Ahlul Bida. Tu les complimentes pas. Non? On avait dit ça. Et si tu les complimentes, ça c'est de la mudahana. Harakek. من بين تفسير الشيخ عبد الله سبحانه هو اللي قال هكا تبيع دينك على حساب الدنيا sur le mudahana. Il y a plusieurs définitions. مهم انك تحفظ une définition, c'est là, je me rappelle pas. Je sais qu'on avait vu dans le livre, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait dit exactement. Mais mouazan. Ah, je crois que c'est mouazan. الله يهديك. نعم. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Yani les kuffars, ils aimeraient bien que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils aimeraient bien que tu transiges. Voilà, que tu sois doux sur ta religion, tu fermes l'œil sur des choses, et huma, ils vont faire la même chose. Comme ils l'ont dit, on adore ton divinité un peu, et toi tu adores notre divinité un peu. On trouve un terrain d'entente. Alors il n'y a pas de... Et ni tu peux pas, comment dire... Il y a des... Voilà, être complaisant dans le domaine religieux. قال المؤلف رحمه الله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. Il ne fait mention d'aucune parmi les mères des croyants رضي الله عنهن si ce n'est dans le bien. أمهات المؤمنين, donc les mères des croyants, زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, ce sont les femmes du prophète. والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله. C'est Allah qui les a nommées de la sorte mères des croyants. Dans sa parole, subhanahu an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Ses épouses sont leurs mères. Sourate 33 verset 6. Wal murad ummahatuhum fil qadr wal ihtiram. Ce qui est voulu, c'est leur mère dans le respect et la valorisation qu'ils doivent, qui sont censés leur donner. وحرمة نكاحهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. Le fait que c'est interdit à qui que ce soit de se marier avec elle après le messager. ولسنا, il y a pas de shadda sur le nun. ولسنا أمهاتهم في النسب. Yani ce ne sont pas leurs mères dans l'ascendance, à savoir que toute personne est descend d'une des mères du prophète. وإنما في القدر والاحترام لهن حق الأمهات على المسلمين. Elles ont le même droit que les mères sur les musulmans. لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ce sont les femmes du prophète. فَتَجِبُوا مَحَبَّتُهُنَّ وَاحْتِرَامُهُنَّ وَعَدَمُ تَنَقُّصْ أَحَدٌ وَعَدَمُ تَنَقُّصِ أَحَدٍ مِنْهُنَّ. Ça se dit ça, أَحَدٍ مِنْهُنَّ. On va prendre la parole. Donc il dit... Faut les aimer, faut les respecter, et ne pas amoindrir l'une d'entre elles. فإن هذا من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. C'est الرافضة qui agissent de la sorte, les rawafid qui agissent de la sorte envers les femmes du prophète عليه السلام. وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لدينه من لا تصلح له. عندك لنبيه أنه اختار ليش؟ وش قلت أنا؟ لدينه. آه. أنه وفيه وهذا فيه اتهام لله. C'est comme si tu accuses Allah, annahu ikhtara li nabiyyihi, qu'il a choisi pour son prophète des compagnes qui ne sont pas de comme il se doit. Man la tasluhu lah. Wa ittihamun lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également là une accusation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu ikhtara umman lil-mu'minin wa hiya la tasluh. Wa hada kufrun billahi 'azza wa jalla. C'est également une accusation que tu dis au prophète, que tu préfères au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi en tant que mère des croyants des femmes qui ne sont pas nobles ou qui ne sont pas dignes de cela. Et ça, c'est kufr. C'est mécréance. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça? Il y a certains points qui se sont répétés, il y en a qu'on avait déjà vu avant, et d'autres, il y en a qui sont nouveaux. هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.